Chapitre 12. Souper d'artistes. La guerre que la France venait si imprudemment de déclarer à la Prusse prenait la plus large part des préoccupations de tous. Cependant, si grande était la confiance dans nos armes que la pensée ne vint à personne de douter de leur succès. On eût accusé de manquer de patriotisme quiconque se fût permis d'élever à cet égard une pensée inquiétante pour notre gloire. D'ailleurs, cette guerre semblait à tous une brillante campagne militaire, dont le terme était fixé à l'entrée dans la capitale ennemie. D'entraves dans la marche, de déceptions dans les espérances, de défaites surtout, il n'en était pas question. À l'heure du départ, on saluait d'avance le retour triomphant. L'exposition du mois de mai 1870, en dépit du mouvement politique et militaire, des hausses et des baisses de la bourse, des articles historiques dont la guerre était le prétexte, fut donc très remarquée, très suivie. Les salonniers remplirent à grand renfort de phrases étincelantes leur rôle de critique, s'occupant beaucoup plus de faire remarquer leur talent d'écrivain que de faire ressortir l'art et les progrès du peintre et du sculpteur qui servaient de prétexte à leurs brillantes escrimes de plumes. Cependant, on trouva dans tous les journaux un accord unanime pour louer l'œuvre exposée par Bénédicte Fougeray. Elle n'était pas conçue de façon à attirer la foule, à grouper autour d'elle les fantaisistes et les réalistes, mais elle renfermait des qualités si sérieuses et faisait preuve d'une telle science que l'on n'essaya pas même de la discuter. Le groupe de Bénédicte représentait la religion foulant aux pieds les idoles, non pas ces idoles de bronze, d'or ou de bois qui se sont tour à tour appelées Isis, Jupiter, Vishnu, Brahma, mais les idoles vivantes à qui chacun de nous sacrifie l'or, le plaisir, la gloire. C'était une grande et noble idée, largement conçue, sobrement exécutée. Cette œuvre dénotait chez son auteur une puissance réelle et classait le jeune sculpteur parmi les artistes dont on avait le droit d'attendre davantage. Quelle joie avait goûté Bénédicte, tandis que sa main obéissante modelait la création de son cerveau, combien de fois rejetant la glaise, se reculant pour juger de l'ensemble de l'œuvre, il s'était répété avec une conviction intime « Sabine sera contente, car cette œuvre dans laquelle vivait son âme, plus encore que son génie, il la lui dédiait d'avance. Il comptait sur ce succès pour inaugurer son jeune ménage. Il espérait que le gouvernement ferait l'acquisition de son groupe. C'était déjà le succès. Demain, il tiendrait la fortune. Non pas cette fortune à laquelle la plupart des hommes attachent tant de prix et qui pour eux solde des distractions folles, mais cette fortune dont on jouit avec modération, avec épargne, dont la possession repose, dont jamais on ne fait abus. Et c'est à l'heure où venait la récompense d'une studieuse jeunesse, où le bonheur et le succès allaient à la fois sourire au jeune homme, que la douleur s'acharnait sur lui comme sur une proie et mettait son cœur en lambeaux. Celle vers qui sa pensée n'avait cessé de graviter, celle dont il attendait la joie, celle qui lui avait été promise, retirait brusquement sa main de la sienne et lui avouait qu'en l'acceptant autrefois pour époux, elle cédait au désir, à la volonté de son père. Bénédicte, accablée, s'enferma chez lui. Il interdit sa porte, se concentra dans sa douleur et laissa engourdir à la fois son cœur et sa pensée. Toute sa force tomba en même temps que ses espérances. Ce jeune homme qui, la veille encore, était prêt pour l'accomplissement de grandes et sublimes choses, se sentit brusquement incapable de tout. Il lui sembla que son ambition mourait en même temps que sa félicité. La gloire dont il suivait le vol altier du regard tomba de l'éther les deux ailes brisées, et Bénédicte se demanda si l'artiste survivrait au désespoir de l'homme. Les statues de l'atelier furent voilées de serge verte, la glaise durcie dans les baquets. Les selles sur lesquelles reposaient des bustes commencés se couvrirent de débris de terre desséchée. Bientôt cet intérieur vivant et pur, respirant le travail, la force, devint une sorte de tombeau que Bénédicte ne se souciait plus d'ouvrir. Le jeune homme espéra même que la mort l'y prendrait au milieu de ses œuvres adolescentes et que le groupe sculpté par lui serait son monument funéraire. 8 jours après que Sabine eut brisé d'un mot le cœur de Bénédicte Fougeret, un large pli portant le sceau ministériel fut remis au jeune homme. Il le décacheta distraitement. En lisant la lettre contenue dans l'enveloppe, il changea cependant de visage, l'expression d'une joie rapide l'anima. Le ministre l'informait que le gouvernement, ayant le désir d'acquérir son groupe, lui demandait à quel prix il pouvait le céder. Puis il ajoutait que, pour encourager un artiste dont les débuts promettaient un si brillant avenir, il lui confiait une commande importante. Il s'agissait de composer un groupe représentant Hylas entraîné par les nymphes, groupe destiné à l'ornementation d'une fontaine monumentale. « Oui, dit amèrement Bénédicte, c'est le succès, l'argent, la renommée. À quoi bon? Je n'ai plus personne à qui offrir tout cela. » Il jeta la lettre sur une table et s'enfonça de nouveau dans de sombres pensées. Un moment après, il entendit sonner. Depuis 8 jours, Beppo, son domestique, avait ordre de répondre aux visiteurs que son maître était souffrant et qu'il ne recevait personne. D'ordinaire, sans insister, on laissait une carte. Mais cette fois, l'ami qui demandait Bénédicte mit de l'obstination dans son vouloir. Il parlait haut, il maltraitait même Beppo, qui s'oublia jusqu'à prononcer un « corpo di santo » accentué et se plaça résolument devant la porte de l'atelier. Le visiteur empoigna Beppo par la nuque, le lança contre le mur avec autant de facilité qu'une balle élastique, ouvrit la porte de l'atelier et courut à Bénédicte. « On y est pour moi » dit-il en prenant les mains du sculpteur. « Lionel, » fit Bénédicte. Il ajouta tristement « Hélas, je n'y suis plus pour moi-même. »« Je connais cela !» fit le peintre avec un haussement d'épaules. « Des affections qui se brisent, des liens qui se dénouent, des chimères qui s'envolent. Nous passons tous par là. Les épreuves de la vie nous trempent. Nous n'avons pas le droit de nous laisser briser par elles. Ah, je me doutais bien de cela. Le procès de Xavier Pomerol devait anéantir les projets d'autrefois. Tu ne pouvais épouser une fille dont le frère allait entrer au bagne. » Tu te trompes, Lionel. Sabine restait à mes yeux pure de toute tâche. Moi qui crois à l'innocence de Xavier, je voulais sa sœur pour femme. Après la condamnation, surtout après ce malheur. C'est héroïque, dit Lionel, mais c'est fou. Eh bien, Sabine a refusé de m'épouser. Allons, dit Lionel, c'est vraiment une noble fille. Sabine manque à une promesse sacrée. Mademoiselle Pomerol avait promis de faire ton bonheur. Elle ne pouvait plus que consommer ta ruine. Elle la consomme bien plus par ce refus cruel. J'ai travaillé, grandi pour Sabine. Ma gloire, si ce que j'ai s'appelle de ce nom, est son œuvre. Avec elle, je me sentais capable de tout. Loin d'elle, je ne puis plus rien. Allons donc, fit Lionel. On dit cela, mais ce n'est pas vrai. « Je n'oublierai pas Sabine, je l'admets, mais tu oublieras moins encore ton art à qui tu dois de nobles et de grandes jouissances. Tu n'oublieras point la sculpture, parce qu'elle sera ta revanche et ta consolation. Tu trouveras une autre Sabine dans la vie, mais tu ne remplacerais par rien l'art auquel tu t'es voué. » Lionel aperçut l'enveloppe au cachet de cire rouge. « Cela sent le ministère des Beaux-Arts, » dit-il. « Lis, » répondit Bénédicte en tendant la lettre à son ami. « Eh bien, » fit celui-ci quand il l'eut achevé, « il faut demander 30 000 francs de ton groupe. Il vaut davantage. Mais le gouvernement a l'habitude de répéter qu'il n'est pas riche. on doit lui passer ses manilles en faveur de ses bonnes intentions. Ce prix étant modéré, tu peux regarder l'acquisition comme chose faite. Te voilà 30 000 francs d'avance pour les frais de la fontaine commandée. Cette fontaine, je ne l'exécuterai pas. En voilà bien d'une autre. Tu refuses les travaux du ministère ? Sous quel prétexte ? Pour une raison. Un artiste n'a jamais une raison pour refuser une commande du ministère. Tu te trompes, Lionel. Celle de ses convictions. Mais je ne sache pas qui là, c'est les nymphes, et rien à démêler avec la politique. Avec la politique, non, mais avec ma conscience. Ma foi, je m'y perds, dit Lionel. J'ai été élevé par un honnête homme, Monsieur Pomerol, guidé par un saint, l'abbé Sulpice, fiancé à la jeune fille la plus candide, la plus pieuse que j'ai vue et admirée. Mes études, ma vie austère, le milieu dans lequel aimait mon cœur et respirait mon âme, donc, a été tout à fait en dehors des habitudes, des croyances des autres artistes. Vivant chastement, j'ai fait de l'art chaste. Je me suis fait le serment d'honorer mon art au point de ne jamais exécuter, quel que fût le succès ou le lucre promis, des figures qu'une honnête femme ne saurait regarder sans rougir. Mais alors, reprit Lionel, tu devais épouser Sabine. J'ai promis de ne jamais suivre une autre voie. À qui ? À ton protecteur ? Sa mort te délie de ta promesse. À Sabine, qui te repousse ? À ma conscience, fit Bénédicte. Entendons-nous, tu dois avoir deux consciences. Ta conscience d'homme et ta conscience d'artiste. L'une n'a rien à démêler avec l'autre. Je comprends la chasteté de ta vie, je l'approuve, mais elle n'a rien de commun avec les femmes de marbre que tu représentes. Tu te trompes, dit Bénédicte. L'œuvre de l'artiste garde un reflet de lui-même. Je ne sculpterai plus un groupe semblable à la religion foulant aux pieds les idoles si ces idoles étaient les miennes et si la religion ne me semblait pas sacrée. Tu ne ferais plus cela, c'est possible, mais tu ferais autre chose. Je commence par te dire que je trouve ton groupe superbe. Et cependant, tu donnerais bien plus la mesure de ta force en exécutant la commande du ministère. Soit, fit Bénédicte, mais je me serais donné cette intime joie de rester fidèle à la loi que je me suis faite, de ne mettre l'art au service d'aucune passion. Attends 48 heures pour répondre au sujet du projet de fontaine, et ne perds pas une minute pour fixer le prix de ton groupe. Je me rends de ce pas au ministère, je remettrai ta lettre. Bénédicte se mit à écrire. À propos, reprit Lionel, on pend la crémaillère chez moi ce soir. Je suis venu pour te donner ma nouvelle adresse. Il va sans dire que je compte sur toi. Tu ne m'as donc pas compris, Lionel ? Je comprends que tu es triste et qu'il te faut des distractions. J'ai besoin de solitude pour pleurer ou de gais compagnons pour te faire rire. Je ne rirai plus jamais. Ma jeunesse est finie. Alors ne travaille désormais que pour les pompes funèbres, mon bon. Fais une statue de l'art avec son flambeau éteint, ses pinceaux, sa lyre et son ciseau brisé, et que tout soit dit. Écris ton testament, et si tu es trop chrétien pour te tirer un coup de pistolet, pars pour la trappe et prononce des vœux. Mais n'entreprends pas de vivre dans le monde sans être du monde. Fra Angelico s'était fait moine, et Fra Bartolomeo portait le capus. Il faut de la logique, que diable! Et puis, vois-tu, si on ne met pas les grilles d'un cloître entre soi et le siècle, comme on dit, il faut prendre son parti et hurler avec les loups, en montrant moins les dents et en faisant moins de bruit, voilà tout. À quoi t'engage ce souper, après tout, à dîner avec de bons amis qui t'apprécient? Nous n'avons pas les mêmes idées. Sur l'art, c'est possible, mais sur le pâté aux truffes, c'est autre chose, ce me semble. On ne te forcera point à boire si le vin te fait mal. On ne t'obligera pas à chanter si tu es triste. Tu bouderas dans ton coin si cela te plaît. Tu railleras notre gaieté du haut de ta raison. Voilà des concessions où je ne m'y connais pas. Merci, Lionel, mais je ne saurais refuser, je le crois bien. Non, accepter. La blessure dont je souffre est trop saignante. Raison de plus pour la cicatriser. Ne se rouvrirait-elle pas? Au changement de temps, c'est possible. Mais tu tâcherais de garder le baromètre au beau fixe. Non, encore une fois, non. Tu as tort et tu me fais de la peine. Ton chagrin, si tu le choisis, si tu l'entretiens dans le silence et l'ombre, va dégénérer en maladie mentale. Il paralysera ton cerveau, ta main. Il fera de toi, non pas un incompris, mais un incapable. On te comptera parmi tous ceux dont on dit avec une joie mauvaise, c'est un raté. Eh bien non, il ne faut pas que tu restes vaincu dans cette lutte. Relève-toi, grandis par ton malheur. Oublie Sabine, donne à la muse dominatrice la place que prenait la jeune fille dans ta vie, et arrêtée un moment dans ta route, par un obstacle imprévu, franchis d'un élan cette barrière au pied de laquelle tu voulais te coucher pour mourir. En aurais-je encore la force? Tout seul, non. Appuyé sur des amis, oui, et je suis ton ami Bénédicte. Alors, fille Bénédicte, laisse-moi pleurer. Près de moi, soit, tu me parleras de tes rêves, de Sabine, du bonheur brisé. Moi, je te vanterai la muse de la sculpture. Je ferai briller devant toi la gloire que tu sembles dédaigner. Et dans quelques mois, tu seras non pas calmé, mais heureux. Si je pouvais te croire, crois-moi, Bénédicte, ce que tu souffres, je l'ai souffert. Ta fiancée valait-elle Sabine? Oui. Mais j'ai fini par trouver que l'art valait mieux qu'elle encore. Je ne sais plus si tu es mon sauveur ou l'esprit de la tentation, fille Bénédicte, mais je sens que ta visite me ranime. Une soirée avec nous te ressusciterait. Viendras-tu? À quelle heure soupe-t-on chez toi? À 9 heures. Fais mettre mon couvert, Lionel. Et j'emporte ta lettre au ministère. Au revoir, à tantôt. Les deux jeunes gens se serrèrent la main et Bénédicte sortit. « Ah, signor mio !» fit Beppo. « Je serai grondé. Prépare la toilette de ton maître, petit niais, et dépense ces 5 francs à ma santé. » Beppo montra toutes ses dents dans un sourire. Une seconde après, Bénédicte l'appela et lui donna ses ordres. « Lionel a peut-être raison, » dit le sculpteur. « Si la douleur n'a point la puissance de tuer, » à quoi bon lui permettre de nous amoindrir? Je ne chercherai point ce soir la gaieté, la folie, mais qui sait si au contact de la joie des autres, je ne me sentirai pas moins morose. Bénédicte apporta à sa toilette un soin inusité depuis longtemps, et à l'heure fixée par son ami, il se trouvait dans l'atelier de Lionel. C'était une vaste pièce, extraordinairement haute d'étage, et dont les draperies formant tente cachaient les irrégularités du plafond. Dans les cadres de bois doré, des toiles lumineuses attiraient le regard. Lionel possédait un véritable tempérament d'artiste, et chaque chose sortie de sa main attestait la puissance et l'originalité. Des faïences rares, des armes de valeur montées en panoplie, des marbres et des terres cuites, souvenirs de ses camarades, des tentures de Beauvais aux plis sombres, laissant deviner plus que reconnaître des figures de femmes, des branches de fleurs, des ailes d'oiseaux, contribuaient à rendre charmant l'aspect de cette pièce énorme. Les chevalets, les mannequins, les boîtes à couleurs avaient été rangées dans les angles, et la table du souper, servie avec un goût merveilleux et une prodigalité fastueuse, rappelait la belle ordonnance des festins que Véronèse aimait à représenter. Lorsque Bénédicte entra, les invités se trouvaient presque au complet. On causait joyeusement, et l'arrivée du sculpteur fut à peine remarquée. Les retardataires s'étant glissés dans la foule, on abaissa les portières et le souper commença. Bénédicte ne regretta point d'y avoir sa place. Il se trouvait à côté d'un camarade d'atelier qui lui rappela les heures du passé, et la gaieté des convives se maintint longtemps à un diapason raisonnable. Des littérateurs choisis, surtout parmi les critiques, émaillaient des mots du lendemain cette joyeuse réunion. On riait de bon cœur, on buvait sans hâte. La nuit était longue et les fenêtres, soigneusement closes, ne devaient point permettre au jour de pénétrer trop vite dans l'atelier de Lionel. Bientôt les têtes s'échauffèrent. On se félicita des succès mutuels. Bénédicte reçut une large part d'éloges, et comme il oubliait de mentionner l'achat du ministère aussi flatteur pour lui, Lionel l'annonça à ses camarades. Bénédicte vit toutes les mains se tendre vers lui. Cette spontanéité sympathique lui fit du bien. Il comprit combien la solitude le forçait à se replier sur lui-même, et il résolut de suivre le conseil du peintre et de chasser le chagrin par la recherche du plaisir. Il vida plus lestement son verre, après l'avoir choqué contre celui d'un critique, et son regard s'anima comme jadis, non pas cependant d'une flamme joyeuse, inspirée, mais d'un rayon ardent, desséchant ses dernières larmes. Les conversations se croisaient, les mots vibraient comme des flèches, on racontait des histoires folles, on échangeait des adieux, chacun parlait de son projet, de tableau, de statue. On interrogea Bénédicte à son tour. « Ah ! Lui fit Lionel, il ne choisit pas son sujet, on le lui impose. Qui ? Un banquier ? Mieux que cela. Un prince ? Un monarque qui s'appelle le gouvernement. Et c'est ? Demandèrent 10 voix. Hélas, c'est les nymphes. Est-il chansard ? Firent en cœur les plus jeunes. Lui, vous ne le connaissez pas, il refuse. Bah, il s'est voué aux madones à perpétuité. Prends garde, mon bon, dit une voix. Faut soigner ça, c'est dangereux. En quoi ? Dame, quand on aime trop les draperies, c'est qu'un mannequin semble plus aisé à habiller que la nature à traduire. Non, fit Bénédicte, essayant de défendre encore ses convictions. C'est que le respect de l'art empêche de le prostituer. Bah, tu supprimerais alors la moitié des créations de Michel-Ange et tu brûlerais le triomphe de Galatée de Raphaël. L'art pour l'art, mon bon, et fi de ceux qui l'entravent sous prétexte de moralité. Je comprendrais encore tes scrupules si tu devais te marier, mais on dit ces projets rompus, nul regard ne s'effarouchera de tes œuvres et te voilà libre de les créer sans consulter la conscience timorée d'une petite bourgeoise. « Refuser une commande, ça ne s'est jamais vu. Auriez-vous par hasard, monsieur, demanda un journaliste, la prétention de réformer la société et de la pétrir à votre guise? Vous n'enrayerez pas sa marche. Pour garder la faveur de la foule, suivez-la. Quel malheur de modeler les nymphes et Hylas, l'adolescent, dépeint par la fable. Vous avez prouvé ce que les idées religieuses étaient capables de vous inspirer. » Montrez-nous ce que la théogonie des Grecs peut trouver de poésie sous votre ciseau. À la fontaine des nymphes, fit Lionel en élevant son verre. Bénédicte ne répondit pas. Son voisin remplit sa coupe. Videz-la toujours, dit-il. Vous êtes libre de faire ce que vous voudrez. On va crier aux rigoristes. Bénédicte choqua son verre contre celui de son ami. À l'art, dit-il, sous toutes les formes qu'il revêt. À l'art, dont l'amour ne nous trompe jamais, qui fit de nous ce que nous sommes et nous fera nous survivre. Gilda s'éleva sa coupe et chanta d'une voix vibrante. Je bois aux rudes laboureurs qui de l'œil couvent ses semailles, au filet du pauvre pêcheur qui prend le poisson dans ses mailles, au bûcheron rempli d'ardeur dans l'arbre creusant des entailles. Je bois à toi quand tu travailles, homme du peuple, homme de cœur. Bravo, bravo ! Crièrent les jeunes gens. Lionel remplit le verre du poète. Le second couplet, dit-il. L'improvisateur continua. Je bois à tout ce qui fleurit, tout ce qui chante et qui rayonne. Je bois à tout ce qui sourit, ce qui gazouille ou qui bourdonne. Je bois au parfum du printemps, aux ailes blanches des colombes, aux aïeux couchés dans leur tombe. Je bois au berceau des enfants. Tu deviens mélancolique, dit une voix. Gilda accentua davantage le dernier couplet. Je bois à l'art, ce créateur de choses saintes et sublimes. Je bois aux ciseaux du sculpteur, aux strophes chantant sur leurs rimes, au présent qui solde si peu le prix du labeur de notre âme. Je bois à l'immortelle flamme du talent qui nous vient de Dieu. Il y eut un moment d'élan, d'enthousiasme, pendant lequel les mains se serrèrent et l'on félicita le jeune poète. Puis la causerie changea de ton. Les flacons se vidèrent avec une rapidité dévorante. Les jeunes gens parlaient haut. Quelques-uns s'attendrissaient. Les journalistes enregistraient sur leur carnet les mots de Préau, le spirituel sculpteur. Les rires éclataient en fusée. Tout le monde parlait à la fois et chacun entonnait un refrain différent. Un virtuose, s'étant mis au piano, exécuta la marche au flambeau, tandis que les artistes, à moitié gris, prenaient qui une torchère, qui un candélabre, qui une lampe, et défilaient en cortège tout autour de l'atelier. Les jeunes gens se jetèrent ensuite sur les divans et se mirent à fumer, tandis que le poète commençait une conférence sur les visions de l'opium. Les cerveaux s'obscurcissaient, les paroles devinrent plus rares, le sommeil s'empara de la plupart des convives. Ils en sortirent quand le valet de chambre ouvrit les volets. Il faisait grand jour. Chacun se détira les bras, passa la main dans sa chevelure emmêlée, jeta un regard morne sur sa toilette fripée, la table en désordre. Puis de nouveaux cigares furent allumés et les jeunes gens, remerciant Lionel de son festin royal, reprirent le chemin de leur maison. « Reste !» dit Lionel à Bénédicte. Le jeune sculpteur céda. « T'es-tu ennuyé ?» lui demanda le peintre. « Non, » répondit le sculpteur. « Te sens-tu mieux ? J'ai moins de mépris pour les autres et moins d'estime pour moi-même. Ce n'est pas un mal. Te sens-tu de force à travailler ? Moi ? Je n'ai pas une idée dans le cerveau. Tant mieux, nous nous reposerons ensemble. Je dispose de toi ce soir. Où me mèneras-tu ? Au théâtre. Entendre quelque insanité à la mode. Justement. Mais tu as donc juré de me tuer l'âme ? Je tuerai le ver qui la ronge. Si tu réussis, Lionel, qui t'assure que l'âme elle-même survivra ? Elle ne sert qu'à te faire souffrir. Depuis quelques jours, c'est vrai. Mais autrefois, elle fut ma force et ma joie. Autrefois, elle est loin, Bénédicte. Et Sabine ne sera jamais ma femme. Je reste. Nous irons où tu voudras. Pendant 8 jours, Lionel continua ce qu'il appelait le sauvetage de Bénédicte. Il le promena de plaisir en plaisir, les variant, les inventant avec une sorte de génie. Bénédicte y apporta d'abord sa lassitude, son dégoût. Puis il les trouva moins dangereux. Et comme il lui donnait l'oubli, il finit par les désirer. Un matin, cependant, il dit à Lionel, dont il partageait l'appartement, « As-tu de la cire à modeler ici ?»« Je crois bien, Isidore a commencé son groupe des centaures, une idiotie. Pétris les centaures et fais-en ce que tu voudras. » Bénédicte s'installa près d'une haute table et se mit à modeler. Pendant ce temps, Lionel peignait une déjanire. Chacun d'eux gardait le silence, absorbé qu'il était dans la conception de son œuvre. Il fallut que le jour, en baissant, les avertît que leur tâche s'était prolongée outre mesure. Lionel jeta ses pinceaux dans la boîte à couleurs et se recula pour juger de l'effet de son œuvre. Il fit ensuite basculer une glace et regarda la toile dans le miroir. Puis, satisfait de son travail, il se frotta les mains en s'écriant « La déjanire est l'excuse du centaure, ça vient. Et toi ? » demanda-t-il à Bénédicte. Celui-ci ne l'entendit pas et continua à modeler. Lionel se pencha sur l'épaule du sculpteur et regarda. Bénédicte achevait la maquette du projet de fontaine, Hylas et les nymphes. « Bravo ! » lui dit Lionel avec un sentiment d'admiration sincère. « C'est du grand art et de cette œuvre datera ta vraie renommée. » « Peut-être, » répondit le sculpteur. Puis il ajouta d'une voix sourde, « Quelque chose vient de mourir en moi. »« Quoi donc ?» demanda Lionel. « Ma conscience, » répondit le fiancé de Sabine.